wesh fils de. Lève pas les mètres, ferais mieux de te rasseoir, wesh fils de. Là on est en Jaguar, un petit coup on va boire, wesh fils de. C'est pas avec l'argent tu vas m'avoir, wesh fils de. On va te charcuter à la lame de rasoir, wesh fils de. Lève pas les mètres, ferais mieux de te rasseoir, wesh fils de. Pourquoi tu me jettes l'œil, je t'aimais bien, wesh fils de. Je ne suis pas comme toi, retiens le bien, wesh fils de. Et j'oublie rien, je sais d'où je viens, wesh fils de. Lâchez les nerfs, alors écoute bien. Wesh fils de, wesh fils de. Je te regarde parce que tu me pisses de. La faut que je tisse de, la faut que je tire de. La sors si je veux, je t'aide si je peux. Mais wesh fils de, trois qui guident Tony Montana. Avec ta folle en Dolce Gabbana. Le jour c'est ton bijou, le soir c'est chez Tana. Pour un fils de, on sort le katana. Wesh fils de, t'as la fuite de tous mes fils de gestes, insiste. Et en plus que tu m'espionnes, lol fils de. Wesh fils de, pourquoi tu me jettes l'œil, je t'aimais bien. Wesh fils de, je ne suis pas comme toi, retiens le bien. Wesh fils de. Et j'oublie rien, je sais d'où je viens. Wesh fils de. Lâchez les nerfs, alors écoute bien. Wesh fils de, on ne rattrape pas la comète. On parle pas de ce qu'on va faire avant de commettre. Wesh fils de, ça se voit que t'es pas honnête. Au pire tu connais le nom sur ma sonnette. Wesh fils de, je ne fais pas le poète. Je représente les patatoles qui parlent mouette. Wesh fils de, le pépin est sous la couette. Pour fermer les culs un peu de toutes ces chouettes. Wesh fils de, tu vas avoir des alus. Quand je vais te mettre un ciseau retourné dans la nuit. Wesh fils de, y'a la guerre et toi ça t'amuse. Tu fais que des poussettes fils de t'abuses. Wesh fils de, pourquoi tu me jettes l'œil, je t'aimais bien. Wesh fils de, je ne suis pas comme toi, retiens le bien. Wesh fils de, et j'oublie rien, je sais d'où je viens. Wesh fils de, lâchez les nerfs, alors écoute bien. Wesh fils de, pourquoi tu me jettes l'œil, je t'aimais bien. Wesh fils de, je ne suis pas comme toi, retiens le bien. Wesh fils de, et j'oublie rien, je sais d'où je viens. Wesh fils de, lâchez les nerfs, alors écoute bien. Wesh fils de, là on est en Jaguar, un petit coup on va boire. Wesh fils de, ce n'est pas avec l'argent tu vas m'avoir. Wesh fils de, on va te charcuter à la lame de rasoir. Wesh fils de, lève pas les mètres, ferais mieux de te rasseoir. Wesh fils de, là on est en Jaguar, un petit coup on va boire. Wesh fils de, ce n'est pas avec l'argent tu vas m'avoir. Wesh fils de, on va te charcuter à la lame de rasoir. Wesh fils de, lève pas les mètres, ferais mieux de te rasseoir.